missile hits. A message in a bottle in the form of a Molotov. Shit ain't changed since the days of the Holocaust. Prisoners of war, game of horse, who calls the shots? The same people who might burn a cross. This is a message in a bottle in the form of a Molotov. Shit ain't changed since the days of the Holocaust. Prisoners of war, game of horse, who calls the shots? The same people who might burn a cross. Yo, what's up, c'est votre boy, Jeune Chili Chill, a.k.a. Xavier Constant, a.k.a. Chillmaster X, a.k.a. King Zubaz, a.k.a. Monsieur Swagalicieux lui-même. Quand je suis pas en train de me pogner le bain, je suis en train d'écouter CISM 89.3, La Marge. Lottie, daddy. Ouais, ouais, ouais, ouais, gâteau, érudit, roi et note, la connexion, les choses se font, petit haïsseur de merde, branchez-vous, sur vos appareils, les appareils de CISM jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Die and Sue apporte la préparation. Entrevue musique en continu sans séparation. Déclaration, le show le plus mort en ville arrive avec un soin contagieux, le monde en veut. C'est Ghetto Érudit. Yes, yes, bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre édition de votre émission préférée, Ghetto Érudit, le show le plus mort en ville. C'est B-Brain qui vous parle, c'est B-Brain à la barre de l'émission pour sa deuxième émission en fait. Yeah. What's up, Dan? Ah, toujours en forme, man. Ça fait du bien d'avoir finalement une autre voix que mon frère en début d'émission. Ça fait un peu de changement. Shout out à Enzo. Yeah, qui doit être en train de nous écouter d'une oreille, en train de lire des textes très importants, scolaires, entre guillemets. Futur docteur. Effectivement. Donc, bon, et la semaine passée, on a eu un gros show, man. Oui, vraiment. Deux gros invités de marque pour recommencer l'année 2011 en force. Donc, l'extrémiste Zen qui nous a fait... rire avec toute une prestation live avec son rigodon, wow. En même temps, il faut pas dénigrer ce que Karim a fait aussi, toute une performance aussi. Puis bon, je leur dis encore l'excellent album téléchargeable gratuitement sur internet, Cracheur de feu. Procurez-vous ça au PC, c'est excessivement bon. Puis sinon, vous pouvez aussi aller télécharger l'émission de la semaine dernière pour écouter ça. C'est au www.cism893.ca. Yeah, fait que cette semaine, on enchaîne encore. Ouais. Ça continue, genre, l'ascension? Ça continue. En effet, ce soir, on reçoit le groupe Metazone qui vient nous présenter son album, son premier album qui s'appelle World Class Buffett. Les gars seront en studio un peu plus tard dans l'émission. Yeah. Puis, on a un autre invité de marque, en fait. Un invité qui... Si on avait à écrire un livre sur le hip-hop québécois, je crois que le premier, le deuxième, le troisième chapitre parlerait juste de lui. Je parle ici de Casey LMNOP qui est supposé venir faire un tour dans nos studios ce soir. Yes. Donc, restez à l'écoute. C'est faux parce qu'il fait partie des gens de la communauté hip-hop qu'on avait sur notre checklist, qu'on devait au moins une fois interviewer. Et puis bon, si ça se concrétise ce soir, je crois que ça va être encore du mongness. Assuré. Puis bon, on a Noëlla avec nous pour la chronique un peu plus tard dans l'émission. Puis on a un premier bloc, comme à l'habitude. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Ah, cette semaine encore de la qualité, tout de l'exclusif. On va débuter ça avec une tracks d'un groupe qui s'appelle The Perceptionist. Donc c'est trois gars, deux MCs, un DJ, dont un des leaders qui est Mr. Liff. Anciennement fort membre du label Def Jux. Ouais. Et puis... bon, ils ont décidé de se remettre ensemble pour faire une pièce, puisque bon, cette semaine, on sait qu'on fêtait l'anniversaire d'un triste événement qui est survenu en Haïti, soit le tremblement de terre l'année dernière, le 12 janvier. Donc voilà, ils ont décidé de faire une pièce pour rendre hommage à la force d'Haïti, puis bon, pour que toutes les gens se tiennent ensemble. La pièce, c'est Sac Passé. Donc, on va débuter avec ça. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais fait écouter une pièce de Sagan, un album qu'on pensait qu'elle allait jamais sortir, The Greatest Story Never Told, finalement, va paraître au courant du mois de février. Donc, ce soir, une autre pièce produite, encore une fois, par Just Blaze, et cette fois-ci avec la participation de Faith Evans, c'est la pièce Clap. Et puis bon, ensuite, un de mes groupes préférés dernièrement aux États-Unis, Slaughterhouse, ouais. Donc le super groupe de Super MCs qui ont décidé de remixer une pièce de Joel Ortiz avec un autre super groupe de New York, Deluxe. Nice. Et donc c'est la pièce Put Some Money On It Remix. C'est vraiment, vraiment fresh. Donc la dualité avec les gars de New York, puis bon, on sait que Slaughterhouse vient d'un peu partout des États-Unis, fait que c'est très fresh. Ensuite, il y a MERS, un artiste qu'on apprécie beaucoup ici, qui récidive avec un deuxième volet de Varsity Blues, un genre de EP qui avait sorti il y a déjà plusieurs années en collaboration avec A$AP Rock. Donc la pièce Varsity Blues 2 éponyme, très fraîche. Ensuite, Raekwon, ceux qui vivent pas en dessous d'une rush sont au courant que Raekwon nous prépare encore du nouveau matériel pour 2011. Un album qui s'intitule Shaolin vs Wu-Tang, plus deux autres albums, si j'ai bien pu lire dernièrement, donc c'est complètement fou. On a le premier single éponyme, encore une fois, Shaolin vs Wu-Tang, produit par Scram Jones. Et puis on clôt le premier bloc introductif avec des local dudes anglophones. On les a reçus ici. En fait, on a reçu quelques membres du groupe dans le cadre d'une émission l'année dernière, 11 Check, avec toutes les finalistes qui sont venus freestyler. Je parle ici de Murder Face. Donc, la pièce éponyme également, Murder Face. Damn, trois tracks du même nom que l'album slash EP. Donc, c'est très fresh, par exemple, Murder Face. Je conseille ça à tous les fans de hip-hop. C'est du local shit, puis c'est dope. C'est du lourd. Yes, sir. Fait que je pense qu'on peut starter ça direct live sur les ondes de CISM, le show le plus mong en ville. Let's go! Feels the weight of the world on her shoulders, mentally and in addition to the weight of the boulders and the rubble that's crushing her frame. She's in a lot of trouble. Her auntie's nearby whispering, I love you, but the situation's bleak. Zoom out, this tragedy took more than one room out. Destruction and mayhem throughout the nation of Haiti was rocked by an earthquake. Brittle houses collapsed after the first shake. It's one of the worst places this could happen, because the country is poor, even though the people are full of passion. It hurts to see the first free black state wait for food, sir, but they gotta see innocent Cooper. See, when they liberated from France, they set a standard for all black people to advance. Little Helena didn't make it, but her will to live is what inspired me to write this. For Haiti, we ignite this. Sac passe, to all of my Haitian fellas and ladies. I don't know Creole, but when I say sac passe, I say it for Haiti. Sac passe, to all of my Haitian fellas and ladies. If you don't know Creole, then when you say sac passe, say it for Haiti. Devastation of another nation. Folks in dire situations trying to be patient. Help is coming, but the looters running through the streets. Wanna flee, but the blood is leaking through your feet. It's looking bleak, body crushed, but your soul is strong. Holding on, cause your memories are never gone. Life's glory, add this to your life story. I was there, I survived, I'm alive. We'll rebuild again, so don't worry. But for now, bodies in the streets. People dying over water and food. Fighting to eat, fighting sleep, cause I might slip into God's arms, reaching for an angel's palm. But I'm not gone, then my body got strong. Let my voice ring, blacked out, then woke up to people hoisting me from my deathbed to get fed. These are people from my neighborhood, so this is what I said. Sac passe, to all of my Haitian fellas and ladies. I don't know Creole, but when I say sac passe, I say it for Haiti. Sac passe, to all of my Haitian fellas and ladies. If you don't know Creole, then when you say sac passe, say it for Haiti. 12 janvier 2018, le jour ça a payé me changer, man. T'es un souké, man. Gang, oh, quand les buildings ont tombé, bébé a crié, ou pas ouais, moun. Tout bagaille, ouais, ouais, là, c'est destruction, man. Ou pas ouais, rien, man. Ah, jour ça a pas jamais oublié, man. 12 janvier 2010, Sock passe, sock passe to all of my Haitian fellas and ladies. I don't know Creole, but when I say sock passe, I say it for Haiti. Sock passe to all of my Haitian fellas and ladies. If you don't know Creole, then when you say sock passe, you say it for Haiti. In the mug shots, like we do away with the day when the sun drops. Clap your hands if you tired of hearing gunshots, or hearing news about who got popped by another black man, or I'm knocking a white cop. If I ain't there when it start, I'm there when the fight stop. Like I slow your roller, be cold as the ice pop, y'all. We gotta start helping each other, quit hurting each other. Money you have a nigga thinking about murking his mother. How does it feel being slaves to a dollar bill? Give me something y'all can feel, y'all for real. Do away with all the Chinese restaurants. Do away with all the fake love in your Escobar. Clap your hands if you loving that just play shit. Cause we don't just make songs, we make statements. Trouble, and when I pop up, it's with the Glock tucked. crotched up in a drop top low, like you know how this goes. I'm a product of the corner, cornered the market with the product I would offer. Sorted the garbage, not a condom in your daughter on the floor in a project. Homeboy, I'll make more than a promise. I know the amount of hate that my words spark, but I ain't going nowhere like a birthmark. I pound puppies before they get to their first bark. Anybody wanna get their first bark? Hey, what's the matter? Cat got your tongue? Your words so faint they collapse in your lung. Put some bass in your voice like you snapped on a drum. Watch my fist make a track on your plum. Never been whacked, so that ain't one of my issues. Get my bread and take care of my pistols. As soon as I open a brick, you can see the crystal. As soon as the pit come in, you can trust me, it's imported. Shoot it or snort it. Oxy's the lordest, the profit is gorgeous. Stay off the phone, cause the calls are recorded. But if you can afford it, then you better. Trying to be a diamond in the game, I've been one. Killing niggas with the flow, H1N1. You can get a buck 50 quick, a thin one. Before rap, I had a drug dealer's income. Master Jason, guard on the rocks with Slash and Satan. Stacks right here with the ratchet waiting. Wait since you hating, then the place in the dating. Never trust niggas no further than I can throw them. Blown with the razor and the doctor can't sew them. Said I was the hardest out, now I gotta show them. Cocksucker doubted me, I own. You could be that dude in cement shoes. Or the next soft nigga on this evening's news. Rap beef, street beef, freeze through crew. Handguns, machine guns, I don't even need guns. Playing like I'm popping shit. End up with a hawk in your esophagus. Hardest nigga to walk in the metropolis. Genocide mixed with apocalypse. Kill niggas real easy, dog. Ghost in the flesh, fuck a Ouija board. Drop top beamer with the BBs on. Gun in your face, nice room BBs, dog. Slaughterhouse! Slaughter gonna be running you over, over a century. You ain't one of the locks, you don't flow nowhere near me. You ain't Tip, Ali, Shaheed, Five, nigga. You probably the lower end theory. You still doing shows for 50 seats. Still writing rhymes about LeBron, it's with the heat. Still writing raps about Cat and Chippy D. My next freestyle, I'ma blast to WikiLeaks. Maserati riding with that Marion. It's a black and white thing, call that shit Arion. Talking all that shit, you a fucking fag. I do you like a Louis duffel bag at the airport. Bitch, you carry on, my head grown. Getting my berry on, lead thrown. When necessary, while you putting on a show for them hoes. Getting your Tyler Perry on, come on. My mic manners is quite mannish. I got these young bitches tongue flipping just like Spanish. You gotta feed it just to hit it, that don't count to me. I take a fill of tummy, a bottle me, out to eat. Nickel floor seats at the Nick game, I'm trafficking weed. I'm at the garden in the apple like Adam and Eve. And my dad'll put your hat on your sleeve. Now you really ahead of your time, I'm out of your league. See, I get dough and cop the benzo. My job credentials is confidential, it's not pretend so. Everything is autobiographical, weight of the world on my shoulder. The planet on my clavicle, but it don't matter though, cause I'ma go get it. Life's a ditch and then you get thrown in it. That's why I get cash money like it's no limit. This material shit, I'm so with it, get it. This is for you rap stars, feeling y'all clever. I'm the penitentiary, sick ward, illest bars ever. I ball in the paint hard, it's like I'm accepting bank cards the way that I take charge. Smoke tents on the CL, break cool. Only out of the cage when all hell breaks loose. Focus pimping, all my shooters veered off the road to redemption. So it's no exceptions. When Joe was mentioned, the flow was pinching. Got me in a mansion with a goat for Benson. If you said you rap, you better than that. What we'll do is treat your head like a tab. The outfit is fresh, phone pies is copper. If she don't look like a model, then I probably wouldn't pop her. Dudes, it's my son, should be calling me Papa. But won't acknowledge it, treat me like a fucker. Hip hop ain't dead, I've been putting the pulse in from long ago. I mean, back when Tracy Ullman had her own show. On fire, put mouse on it. In the sleeper, I feel nothing, heart colder than a deep freezer. Numb to life, so I'm numb to the pain. It's like it won't be happy till it drives me insane. My brain, mine is serotonin. Won't let me see straight, don't know where I'm going. Can't see the light, it's like it's got my eyes closed. And the pills that they give me, just another blindfold. I'm psycho, I can't sleep at night. So I read comic books, play Xbox and write flows that help you through the tough times. But when it gets rough, who gon' help me get through mines? Mind trips the body, body thinks the mind's crazy. But this sick mind makes the kid rhyme amazing. Do I really wanna purify? Attempt to purify? Could that be career suicide? They say I'm only good when the session is depressing. So I crucify myself so that you can learn a lesson. It's like I'm running in. I fall flat, he start laughing, and I'm stuck within. A nightmare, my darkest dreams. A nightmare where they can't hear me scream. The crowd screaming, they going insane. They think I'm just rapping, but I'm really in pain. I'm so lame, stop drinking, stop smoking. Walking past women with their legs wide open. Heartbroken, she left, but I'm hoping she come back so I can split her ribcage open. Backstage, overcome with emotion, twisting up a smile while my stomach does convulsions. I feel sick once sober, feel sicker. Try to save my liver, need to see the big picture. But praise be and pass me the elixir, cause I seem to need liquor like a priest needs scriptures. The chapter reads verse 3:16, while I tote on this smoke like a schizo fiend. I'm in that mood again. Shadows on the sun, demons moving in. Room getting dark, attitude is grim. Only had a couple friends and I'm losing them. When the shit gets deep, all you do is swim. Cause your deepest blue could be your truest sin. I used to squab every day, homie, I used to get down. These days I pull punches where I hear I'm talking shit now. I blow the steam off just to get my dream off. These fools in the industry is thinking that it means soft. Feeling like I need my pistol. If I shoot me a rapper, does that make me official? I got issues, but that's old news. Like back issues, I threw away them old shoes. Now stepping in a new direction, giving you the last chapters of my blues collection. With new success then, you lose affection. With friends you choose, you should use discretion. Friends become enemies, and jealousy's an energy that used to be love, and love is too finicky. Tendencies is so suicidal, talking bullets out the chamber with each of my recitals. And tried to use the Lord to learn our Wu-Tang sword fighting. The Shaolin would never do that, wouldn't you? The Shaolin have always looked down on us. Are you afraid the Wu-Tang will become more famous than you? You. So you use your Shaolin poison to set up my master and deliberately frame me? That's nonsense. It's not nonsense. I saw it myself. Nonsense. The Shaolin have nothing to fear from the Wu-Tang but our sword fighting. Villages, gangsters, pillages, paintbrushes, new whips, blue fifths, Louis Shalar shit, ostrich, turtlenecks, the chef already reps, lean off the petty jets, we buy the very best, outfits, powerful rich, pounces, camel clips, one bump, two lumps, a shotgun, a new jumpsuit, flying spur, buying herb, new kick, designer bird, she on and we up, let's re-up, we freed up, J-tated, Ray made it, clientele, we gon' sell, you gon' starve, he gon' jail, night boots, swimmer whales, better snuff, surgical, leather gloves, never loves, we gon' kill, take it to the hell, we forever real. Old brothers, old luggage, you ill with no budget. You shoot and we spray, kill off them old buzzards. We love it, can't stand it, you hit the wound menu. We found it, stay grounded, we will, we still scramble. Hold your fire! Stop! You two traitors, you've mixed the Shaolin and Wu-Tang. No, we have not. It's just that they're the same. That's right, my lord. You misunderstand how Kung Fu works. It doesn't belong to anybody. It evolved. The wristlet for the grave sitter, babysitter, the jaw twister, open the vault, call your sister. The Pyrex are up in the fire, live is twister, blunt rolling, only a roll born. Some whispers, knee slapper, the gap backer, blackjacker, extortionist, friendly as fuck, barber backer, ones folder over the stove, gold rover, the gear dresser, the chop bagger, Marvin Hagler, rap stabber, eat you alive, gold tarantula, 16 paces and blow, hold the heckler, Tim's down, axle fold. Stolen rolling, all y'all niggas that know me, y'all owe me. I don't give a damn. Listen,

T'as une semaine pour te pratiquer parce qu'on soit le chum dans le studio. Qu'est-ce qu'il en pense? Ok, c'est bon. On va demander de juger ma performance. Et ben plusieurs tracks pour vous, des nouvelles pièces, entre autres une de Frenchy Blanco. Alors, soyez à l'écoute, tout le monde. Ouais, pour ma part, ce soir, j'ai une pièce, j'ai un extrait de Chaplin qui fête son 10e anniversaire de carrière dans l'industrie du hip-hop. On a aussi un extrait de Farfadet, John Saint-Sou et Crooks. Puis je vous sors un classique du rap français, un track de Lunatic, ça me tentait ce soir, je vous passe ça durant la chronique. C'est parce que t'écoutais l'album de Booba. Ouais, justement, je vais en parler en pluguant la chanson, ce qui se passe avec Booba, nice. Qui vient toujours de sortir un nouvel album. Sinon, des nouvelles de 13e étage, Chaplin et D12. D'ailleurs, je commence tout de suite avec D12 qui seront de passage à Montréal le 4 février au cabaret du Myland. Donc, les gars seront en ville avec, entre autres, en première partie, Peter Jackson, pas le paquet de clopes, là, le rapper. Allez voir son ce qu'il fait, c'est quand même très dope. Rico Blocks aussi, qui on voit quand même pas mal partout, censé. Il fait beaucoup de premières parties, Rico Blocks. D'ailleurs, il va peut-être venir à l'émission au courant de l'année. Donc, les billets sont en vente au prix de 20$. Vous pouvez les acheter un peu partout dans les boutiques Underworld, Off the Hook, Sub-V. Donc, si vous êtes des fans de D12, ben, déplacez-vous en grand nombre. Word. Voilà. Alors, moi, je poursuis en vous parlant du lancement de l'artiste Le Chum à surveiller. Alors, ça a lieu le mardi 25 janvier prochain. B-Brains en avait parlé la semaine passée de son album à paraître, Musique Lente. Alors, cet album-là sera disponible en magasin le 25 janvier également. Alors, ça a lieu à la salle de spectacle Underworld du 251 Sainte-Catherine-Ouest, pas très loin du métro Berry. Ouais. À partir de 17h jusqu'à 20h, c'est gratuit. Tous âges également, avec bien sûr prestations du Chum. Et Le Chum également qui est artiste du mois du site hhqc.com, donc allez checker ça. Ouais. C'est le fun que t'en parles puisque on peut annoncer que la semaine prochaine plutôt, pas demain. Le Chum va être dans les studios de CISM avec Ghetto Érudit pour une entrevue très, très intéressante. Ça fait un bout que je n'ai pas parlé au Chum. Puis bon, la dernière fois qu'on discutait, c'était « Ouais, l'album est sorti bientôt, blablabla. » Puis là, finalement... Salut! Les choses se passent. Ouais, man, oui. Avec la distribution en plus. So, big up, Le Chum, man. Puis on a bien hâte de voir ça la semaine prochaine. Il vient toujours de signer sur BBT Records. Yeah. Donc, dans les studios la semaine prochaine. Sinon, bon, je vous parlais de D12, le 4 février. Mais le 4 février, il y a un autre show à Montréal. C'est Chaplin avec un live band qui fête son 10e anniversaire de carrière dans le hip-hop. Ça se passe au Théâtre Plaza sur la rue Saint-Hubert. Il y a vraiment beaucoup d'artistes invités qui vont être avec lui sur scène. Je vais en nommer quelques-uns. Entre autres, il va avoir Karim, Marco Volsi, Karma Achika et plusieurs autres. En fait, il y a vraiment pas mal d'artistes qui seront présents avec lui. Bon, si vous voulez plus d'informations, allez visiter son site internet. C'est chaplinworldwide.com. Là-dessus, il y a même une petite mixtape à télécharger. Puis justement, je vous présente un extrait qui s'appelle The Corner. Côté musique aussi, j'ai une pièce qui m'a été envoyée par Freak Stewart qui s'appelle La Conspiration des singes. C'est un extrait de Farfadet, John Saint-Sou et Crooks. Mais pour commencer le bloc, on va y aller avec un classique du rap français. J'ai ressorti un extrait de l'album de Lunatic. D'ailleurs, Booba qui vient tout juste de sortir un nouvel album. Puis bon, pour les auditeurs, on est en train de s'organiser pour faire une entrevue téléphonique avec B2O qui sera diffusé bon, d'ici un mois ou deux ou quelque chose comme ça. Monsieur Booba, il y a quand même un horaire assez chargé ces temps-ci. Il est en train de fracasser tous les records de vente en France. Mais bon, on vous passe un extrait de Lunatic, le son qui met la pression. Du old school. Du old school, on s'en va avec ça sur les ondes de CISM. Le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Le son qui met la pression, garçon. C'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici, plus d'MC. Plus de saison, plus de raison. Dans mes récits, notre histoire au moins. J'espère qu'elle est pas trop triste à la fin. Dans mon crouillard full, c'est la folie qui l'emporte, ouais, on dit fait souvent n'importe quoi. Du bruit comme un R1 sans peau, je suis un polygénie. Devant le daron vit, la nuit rit, devant le parrain. C'est pas rose, mais nique sa mère, ici c'est Paris. Puis devant la barre, haute scène et mon nombril.

la vérité. À chaque crise, voilà une bonne prise. Tour de tendin, de son entraînant, l'attitude de vétéran, la passion dans le sang. J'arrive avec un flow, mon rôle, tu reconnais c'est quoi. Chaque fois que spit les mauvais rappers disent qu'il faut être quiet. J'aime pas leur politique, mais je suis encore ici. Je reste le mauvais kid, le MCR série. Le soleil va briller encore, on va chiller en boîte. On a du stress à force de se brimer dans le sort. Des angoisses. La terre tourne dans le mauvais champ, je suppose. Je parle en connaissance de cause, la vie me teste. C'est pas vrai que je suis censé choke. Farfadet, dealer. Ça change pas. John, dealer. Ça arrive à la chance. Je représente les miens, je représente ma meurtre. Je représente mes seins, je représente la jeune. Hold up, c'est les fins, je quitte les maps. Y'a rien qui dépasse, enfin, cool, je débat. On parle de faire du rap, les femmes qui s'apparaissent. Insou, John, pis mon boy, Farfadet. Nos seins, je prends de fuck là dans le rap. C'est trop fait old school comme Bad Fallon. Arrête de pleurer, tu m'énerves. Tu veux la vérité, je la passe au bout de mes lèvres. On est autant que les droits comme un bat de paix. One for the trouble et deux pour la pluie. Et puis t'as fait ça, t'as fait des bagues avant les bombes. On a pas fait de jeter comme un dans ta chambre et au 5 ans. Hold up, wait a minute. Two things, you can't fuck with it. You can't fuck with it. Hold up, wait a minute. Two things, then you can't fuck with it. No, you can't fuck with it. No, you can't fuck with it. Les ondes de Ghetto Érudit. On vient d'écouter la pièce The Corner de Chaplin. Si vous voulez avoir plus d'informations sur son spectacle pour son 10e anniversaire de carrière, allez faire un tour sur son site internet chaplinworldwide.com. Juste avant, on a eu La Conspiration des singes, qui est une track de Farfadet, John, Saint-Sou et Crooks. C'est un peu de la promo entourant le collectif 12 singes. On va vous en reparler dans les prochaines semaines. On va peut-être essayer de faire venir les gars, d'amener les gars en studio pour parler de leur projet. Puis on a commencé le bloc, on a déterré un classique du groupe Lunatic, ouais. Le son qui met la pression. C'était juste pour vous parler qu'on est en train de préparer une entrevue téléphonique avec Booba, qui va nous parler de son nouvel album. Donc dans les prochaines semaines, à ne pas manquer, à Ghetto Érudit. Ça. J'aimerais que tu lui poses une question lorsque tu vas l'interroger. Pourquoi tu habites 6 mois par année à Miami? Non, en fait, tu te rappelles l'année passée quand tu avais amené une exclusivité aux auditeurs puis que c'était finalement supposément un genre de tracks créé par un humoriste? Ouais, mais en fait, c'était, si tu te rappelles bien, c'était DJ Faz, le DJ Sat qui était en studio, qui nous disait « Ah, j'ai le nouvel exclusif de Lunatic, les gars vont sortir un album. » Puis finalement, on l'a appris quelques semaines plus tard que c'était un rap. rappeur qui faisait une parodie d'un imitateur. Mais ça ressemblait fait. Beaucoup. Fait, oui, j'aimerais oui, ça que tu en parles. C'est sûr qu'il y a eu vent de ça. Oui, on va y en parler. Ouais, d'ailleurs, on va y parler de ça. On va y parler du battle. On va parler des États-Unis avec lui parce qu'il vit là-bas la moitié de l'année. On va aussi parler. En fait, il a fait un record de vente. Je crois qu'il y a 100 000 en une semaine, quelque chose comme ça. Puis il y a zéro diffusion, ce gars-là, en France. Ce qui m'a vraiment surpris au niveau commercial. Il y a Puff Daddy sur son album et tout. Ça a l'air que pas de diffusion radio, Puff télé. Daddy, Akon, ouais. Ryan Leslie. Donc, c'est quand même intéressant, le boss qui crée. Fait qu'on va avoir une bonne discussion avec lui, j'ai l'impression. On veut le secret. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je poursuis en vous parlant d'un spectacle qui aura lieu le samedi 22 janvier prochain au Café K.O. Alors, c'est un spectacle qu'on a nommé La Relève se lève, volume 2, de la Gratos Mouvement. Alors, je vous explique un peu en quoi consiste ce mouvement. Ce sont des artistes qui se regroupent et qui décident de diffuser gratuitement leur production, leur musique. Alors, je vous invite à visiter leur site internet, soit lagratos.com. Vous trouverez là des compilations avec différents artistes qui vont y participer. Alors, parmi dans les prestations qu'on aura, on aura Fight Show, Désuet Plein Gré, on aura Soke, Forest Freak et tout plein d'autres artistes qui font partie du mouvement La Gratos, finalement. C'est animé par Woodman. Le prix d'entrée est de 6$. Et comme je vous disais, je vous invite à aller visiter le site internet, soit lagratos.com. Vous aurez là les compilations que vous pouvez télécharger gratuitement. On a un volume 1, 2, 3. Donc vraiment, je pense que la cause est noble. Très bonne initiative. Les artistes qui décident de mettre comme ça gratuitement, apporter tout le monde ce qu'ils font. Ouais. Et voilà. Sinon, dernièrement, on a appris que le groupe 13e étage, formé maintenant de Sans Pression et Cobna, préparait la sortie de leur nouvel album prévu pour le 11 mars. Donc, le 11 mars 2011, l'album s'appelle T'inquiète. Et déjà, il y a un premier extrait vidéo qui a été mis en ligne qui s'appelle justement T'inquiète. C'est une collaboration avec Shashu. Donc, bon, allez faire un tour sur YouTube. Allez checker sur les forums hip-hop franco, hhqc.com. Vous allez pouvoir voir la vidéo. Puis, bon, on va essayer d'inviter les gars autour de la sortie de l'album qui viennent nous présenter ça en bonne et due forme. Yeah. Merci voilà. Ça. Et on a parlé de Booba, on a parlé de plein d'artistes français. Alors moi, je vous parle de cette fois-ci de Soprano, membre en règle de Psychiatre de la Rime, qui amorce sa tournée québécoise le 22 janvier prochain à Chicoutimi. Et là, il visitera d'autres villes, entre autres Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Il s'arrêtera à Montréal le 28 janvier prochain. Alors ça sera la fin de sa tournée. Finalement, alors ça se passe à Montréal, au Club Soda, le 28 janvier, avec en première partie Baxter Dexter Karim. Yes. Alors, les billets sont disponibles via leticketpro.ca et dans toutes les boutiques urbaines à Montréal que vous connaissez, soit le Lunette, City Star, Mugodio, Sino Shop également. Et on sait que Soprano a sorti son récent, en fait, son album La Colombe en octobre passé, ouais. Octobre 2010. Il y a un album à venir, je crois, en mars 2011. Ouais, déjà. Ouais. Donc, Soprano, les choses se passent. Ça se passe, puis Soprano, c'est une bête de scène. Hein? Je veux dire, si vous aimez ce qu'il fait sur album, dans les vidéos, je crois que c'est la première fois qu'il vient solo au Québec. Il était déjà venu avec Psychiatre de la Rime dans le passé, mais là, il vient comme en tant qu'artiste solo. Soprano, c'est une bête de scène, donc déplacez-vous, allez voir ça, ça risque d'être une tuerie. Oui, tout à fait, et je vous invite à aller visiter le soprano.escape.mtl.ca. Vous aurez là les différentes informations en ce qui a trait à sa tournée québécoise. Big shout-out à Escape, les gars, ils chompent pas, hein? Ouais, ça n'arrête plus là, les shows par-dessus chaud. D'ailleurs, Rick Ross, demain. Demain à Montréal. Effectivement, The Boss va être dans la métropole. Je crois que ça fait partie d'une tournée canadienne, donc big up. Rick Ross, demain, je pense qu'il va beaucoup d'argent qui va revoler dans les airs. Et événement qu'on a annoncé, sold out aussi. Ah, OK. Non, parce qu'on m'a dit, il y a quelques boutiques où il reste quelques billets, mais bon, il n'a plus beaucoup couru. Aller chez Lounette, aller... Que les gens ne s'attendent pas à arriver à la porte. Ouais, c'est ça. Puis qu'il en reste. Puis je crois que tu avais une news, là. On parlait de Joux, de Cornet, Ah oui, justement, cette semaine, dans la catégorie inusité, insolite, il y a le boy à B-Brain, Gucci Mane. What's up, Gucci? En fait, on sait que récemment, ça allait pas trop bien pour lui. Il sort, il est fresh d'un institut psychiatrique. Oh my God. Puis bon, trêve de stupidité slash mongerie. Le gars, il se fait tatouer un gros cornet de crème glacée sur la joue gauche. Wow. Commandité par Ben & Jerry. J'espère. Haagen-Dazs. Bref, le gars, tu sais déjà que de l'autre côté de sa face, il y a genre du le genre de print Gucci en genre de monogramme. Okay. Donc, je sais pas si ça va super bien entre ces deux oreilles, mais bon. Mais quelqu'un a soumis l'hypothèse. Brown a soumis l'hypothèse tantôt que c'était peut-être juste pour son plaidoyer à la cour pour. Ouais, mais c'est. Pour la plaidoyer la folie. C'est assez difficile à avaler pour quelqu'un de normal. Donc, pour un juge, ça va sûrement être encore pire. Et puis, bon, selon moi, c'est sûrement plus un publicity stunt pour attirer l'attention, en fait. Fait que ça risque d'être... J'ai hâte de voir la suite si il va essayer de le masquer un peu comme The Game qui s'était fait tatouer un petit papillon sur la joue. Puis finalement, c'est devenu un gros LA avec une étoile. Ou encore comme Birdman qui s'est fait tatouer une grosse étoile rouge sur la tête. Ça finit avec tout plein d'étoiles sur la tête. On ne voit ça qu'en Amérique! Je pense qu'ils sont un peu sous l'influence de quelque chose quand ils se font tatouer tout plein de... Ouais. Bref, en fait, ceux qui seraient portés, ceux qui auraient envie de sortir ce soir, aller à un événement quelconque, sachez qu'à l'école Urban Element, l'école de danse, il y a une compétition de breakdance en ce moment qu'on a intitulée Robots, est-ce que je... Robots, ouais, je le prononce mal, voyons. Donc, alors, ça a lieu ce soir à l'école Urban Element avec, on a un juge invité de la Californie qui sera là pour juger les différents battles finalement. La musique par Chachou, le DJ. Alors, c'est à partir de 20h, comme je disais, c'est 12$ à la porte. Donc, ceux qui seraient tentés, qui voudraient voir du break, ça longtemps, j'en ai pas vu du breakdance. Ouais. Peut-être que ça va être une sortie pour moi. Alors, les fans de Noëlla, vous pourrez peut-être la trouver à cet endroit un peu plus tard. N'importe quoi. À suivre. Ouais, à suivre. Alors, l'école de danse Urban Element du 910 Jean Talon Est, pas très loin du métro Jean Talon finalement. Juste avant de partir avec ton bloc musical, je veux rappeler nos invités qui sont dans la place à être. On a Metazone, Obia le chef et Casey LMNOP qui sont présentement dans les studios de CISM. Complètement M-O-N-G. Restez à l'écoute. Les gars sont là bientôt. On les fait rentrer dans le studio principal. Yes, yes. Alors, enfin, on part en musique. Justement, les pièces qu'on va entendre, ce sont des pièces dont vous pourrez voir les vidéos. Alors, on commencera le bloc avec une pièce de Frenchy Blanco, T-Jésus. C'est le premier extrait de son... le street single de son album à paraître, Galactique, qui sera en fait dans les bacs dès le 1er mars. Une production de Lord Williams. Donc, allez voir le vidéoclip T-Jésus, faites vos recherches pour le trouver. Sinon, on aura Soke avec sa pièce Les Tâches Souterrains. Donc, si vous voyez un peu le jeu de mots derrière tout ça, c'est le remix, bien sûr. En fait, c'est un genre de remix de la pièce de Sans Pression, Les Tâches Souterrains. Donc, on a nommé cette pièce-là Les Tâches Souterrains. Donc, ce sont des clips à aller voir sur le web. Donc, vraiment, de bonnes pièces à écouter. Vous êtes bien sûr à l'émission Ghetto Érudit sur les ondes de CISM. Boom! Yeah. Des fois je prie au Si Jésus dis où on te voit plus. Pourquoi tu laisses ton monde à la rue? Laisse ton monde à la rue. Ils pleurent pis ils meurent, ils ont peur comme un film d'horreur. Comme un film d'horreur. Il va avoir plein de sang. Check le swag swaggy. loin des taquis. 80s Mike Jackie, j'suis pour l'infini. Reste assis pendant que j'moonwalk sur ces MC pis ces politiciens qui veulent contrôler nos vies. Sur le micro, sur les mics, mes mots sortent. Ils veulent m'arrêter de parler, mais peu importe. J'check encore mon slang, mon rap, j'vois le teint. Apparemment la France nous aime pas, so fuck them man. J'rappe le Québec pour ouvrir l'intellect, pour abondir à l'horizon, pour avoir notre respect. C'est tant qu'on se lève pis qu'on fesse, avant que ça régresse, pis ça devienne un gros mess. Fuck les popos qui marcellent ma vie avec leurs pantalons camo, on dirait des nazis. Oui, de juste à vivre, la révolution est partie, de juste à suivre. Moi j'en peux plus, des fois je prie aussi Jésus. Si Jésus dit où on te voit plus, pourquoi tu laisses ton monde à la rue? Laisse ton monde à la rue. Ils pleurent pis ils meurent, ils ont peur comme un film d'horreur, comme un film d'horreur. Il va avoir plein de sang. J'ai dit malédiction après malédiction, contradiction après contradiction. Ces temps-ci, je vois des bombes ici, des bombes là, des vrais gangsters, d'Osama jusqu'à Obama. Regarde pas c'est ton nez, la société cachée. J'suis à la recherche, la vérité, j'suis le rap JFK. So chill, chill, j'suis mes mots pour me faire kill. So avant que ces bâtards viennent pop comme une pile, j'veux continuer de tâche ma pièce en dessous de mon matelas. Parce que de nos jours, en tout cas, les banques, moi j'ai trust pas. Tous des crosseurs, banksters, voleurs, tous des rôles majeurs dans leurs films d'horreur. J'ai dit, j'suis à la recherche de ma prospérité. C'est pour ça j'écris ces textes à place de prier. J'ai dit, moi j'en peux plus. Ouh, moi j'en peux plus. Ouh, moi j'en peux plus. Des fois je prie aussi Jésus. Si Jésus dit où on te voit plus, pourquoi tu laisses ton monde à la rue? Laisse ton monde à la rue. Ils pleurent pis ils meurent, ils ont peur comme un film d'horreur, comme un film d'horreur. Il va avoir plein de sang. You never thought the hip-hop would take it so far. La croix perd le contrôle comme une manette dans un sofa. Les deux sexes se lèvent pour l'anonymat des êtres. Les boys s'élèvent sur mon ch*** même ta femme l'aime. Et lèche s'élève. Laisse faire, c'est que donner du love. C'est les mélines et les mélines. La résistance est obsolète comme une boucherie potique. Des oies éclatent comme des pastèques. J'ai ton goût de riposter, yeah. Open les canaux, y'a post-up. Post ta fake, ça fait, tu prends une pause café. Voyons les pussy, moi, ils aiment près de la sortie. Les mains toutes moites, des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le rôle du fil, c'est la radoterie. Oh, t'aimes pas le fil, tu trouves, c'est la saloperie. Y'a encore ta truce qui est l'eau qui j'abolis. Et avec l'underground, je vis en parfaite harmonie. Je suis dans vos vies. Les tâches souterraines. Yo, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement? Wake up les MC, enfin, on est mauvais. monte la barre, c'est d'en faire des mouvements. J'écris mes mots, pis leur mon mouvement. Jol, rempli le gros acéré. Mais je les monte plus le gros, j'ai trop acéré. Spot tight, tight, t'as des écrans acérés. Laisse la place au pro inséré. Boom. Fuck le shit, fais ta botte, j'efface tes pop pro. Amène tes fesses à bord, si tu veux ça fat, un sale pop pro. Entre la tête métal, puis le pop pro. Voici mes c'est propos, puis en propro. Yo, j'ai pêché pour un repas chaud, là je vais pour chômage. La recrue se fait repêcher, j'suis peace, pas fat show, man. Wango player, y'a des jeux en masse au parc. Le rap Kevin May, puis ça te vache au mal au parc. Voyons les mots, si moi, ils aiment près de la sortie. Les mains toutes moites, des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le rôle, tu dis, c'est la radoterie. Yo, t'aimes pas le fil, tu trouves, c'est la saloperie. Yo, pour faire tout ce qui est rookie, j'abolis. Et avec l'underground, je vis en parfaite harmonie. Yo, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement? Wake up les MC, enfin y'ont les mots devant. Montre la barre, c'est le temps de faire des mouvements. J'écris mes mots pis leur mouvement. Jol, rempli de gros acéré. Mais je les monte plus le gros, j'ai trop acéré. Spot tight, tight, t'as des écrous acérés. Laisse la place au pro inséré. Boum. Ok, avec l'étage souterrain, gros remix de l'étage souterrain de Sans Pression. D'ailleurs, Soke qui vient tout juste de sortir une vidéo pour cette chanson-là. Puis Soke qui prépare la sortie de son album, en fait, avec le crew Silence d'Or. Je crois qu'il y a une mixtape qui va sortir juste avant, donc on vous en reparle dans les prochaines semaines. Juste avant, on avait le premier extrait de l'album de Frenchy Blanco, Si Jésus. Lui aussi a sorti une vidéo pour cette pièce-là, donc allez faire vos recherches, elle sort sur Jack Cartier, MTL. C'est donc, drôle, on dirait que les deux vidéos sont sorties presque en même temps, genre au courant de la semaine. Puis, plusieurs vidéos qui sont sorties au courant de la semaine. Yeah! On a nos invités, nos premiers invités ce soir qui sont dans la place à être. What's up, les gars? What's up? El Coto là, be on the lookout. Made his own up in the building. Yeah. Donc, les gars, vous préparez la sortie officielle de votre premier album, World finalement, Class Buffet. Finalement, l'album, il sort bientôt. Là, on accouche là, de l'album. Là. Yeah. Ah, c'est ça, c'est un album qui ça faisait un bout de temps qu'on était en train de travailler dessus. C'est des sets live, c'est vraiment un nouveau concept comparé à tous nos street albums qu'on avait sortis avant. Donc c'est ça, non, c'est vraiment back to the roots dans tous les sens du terme. Ça veut dire c'est tout avec un live band, mais on va vraiment puiser dans les sonorités vraiment plus jazz, funk, avec un petit peu de afro-funk aussi. Donc si je comprends bien, c'est le troisième projet officiel, mais le premier album, c'est ouais, ça? Oui, exactement. Il y a eu le rassemblement, et avant c'était quoi le premier projet sur lequel C'était juste nommé Metazone, c'était okay. Now or Never, où il y a du monde qui ont appelé ça comme ça aussi, mais c'était vraiment un projet, un street album, on était dans la rue en train de les vendre là, c'était back in 99-2000. Le deuxième projet était distribué lui. Le deuxième projet était distribué, mais c'était plus aussi une sorte de compilation. Où est-ce qu'on avait plusieurs artistes dans la scène ici. Je me souviens, il y avait Dramatique, L'Intrus. Il y avait les gros hits. Il y avait même OBIA. Depuis là, ça a commencé aussi avec plein de connects avec tout le reste. Il y avait même aussi Justice de Northern Lights. Il y avait tout le DZ. C'était un projet avec quatre langues, c'est ça? C'était vraiment mélangé. C'était multiculturel. Ouais, comme vraiment à l'image de Montréal. C'est ça. Puis, c'est quasiment 80% c'était en français. Donc là, avec cet album-là, on s'est dit, OK, on va essayer de faire ça un petit peu plus international. Mm-hmm. Donc on a décidé de le faire quasiment plus en anglais. Ouais. Voir qu'est-ce que ça allait faire. Puis c'est ça, on est en train d'explorer. C'est un peu ça, Metazone, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'évoluer. À chaque album, on essaie de sortir un différent concept, une nouvelle sonorité. Comme on essaie toujours de se redéfinir, ce qu'on voit. Parce que la vie, c'est comme ça, on évolue, ce qu'on voit. On peut pas toujours rester stagné dans le même style de musique. Comme, c'est sûr, tu peux le faire, but I mean, comme, pour nous, c'est comme faire de la musique, c'est ça, c'est d'évoluer, puis des choses. C'est essayer différentes formules. Donc, de là, l'idée de former un live band qui a travaillé avec vous, c'est la première fois que vous travaillez avec un... Nous autres, ça faisait longtemps, qu'on avait... Le premier album. On avait toujours incorporé du live. Ça a toujours été partie de notre son. Mais là, on s'est vraiment dit qu'on voulait pas juste avoir des instruments live, pas juste faire du live... mais vraiment avoir un concept où est-ce que c'est tous les musiciens, ils connaissent les roots du hip-hop, ouais. Ils connaissent le funk, ils connaissent le jazz. C'est pas juste quelqu'un qui fait du rock, l'autre il fait du blues, ils connaissent pas le hip-hop. On est tous à peu près de la même génération, okay. on est sur la même zone. C'est le premier album qui le son est vraiment homogène. Tu comprends? On va pas comme d'un style à un autre. On a vraiment canalisé notre énergie pour faire vraiment comme créer un son pour l'album en entier. Tu comprends? Puis je pense que c'était quelque chose de nouveau pour nous autres. Puis juste travailler avec le live band comme le processus du début jusqu'à la fin, c'est un processus qu'on a vraiment grandi musicalement là-dedans. C'est vraiment une belle expérience. Ouais, parce qu'avant c'était toujours des overdubs. Tu sais, je commençais un beat, il y avait des live instrumentatistes, whatever, musiciens qui venaient au studio. Là, ça l'a vraiment été. On a pratiqué pendant un bout de temps, pendant un an, juste à pratiquer les tracks, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, commencer des... On partait à partir des freestyles, on partait des tracks. Donc t'as pas fait une pré-prod, non, puis le band a travaillé là-dessus par la suite. Non, vraiment, exact. Tout le monde a rajouté leur ingrédient. C'est pour ça qu'on l'a appelé World Class Buffet, parce que c'est un buffet musical. Il y a plein d'inspirations, il y a plein de backgrounds ethniques puis de cultures qu'on essaie de mélanger, puis chacun a rajouté comme sa touche, ce qu'on voit. Puis that's it. C'est cool parce que moi puis mon frère Enzo, qui est pas là ce soir, la première fois qu'on avait entendu parler de votre groupe, c'était à un concert qu'on avait été au Bobard, si je me trompe pas, puis il y avait Bougat, puis bon, avec tout le live band, puis on kiffait vraiment le concept. Je pense que c'est à peu près à l'époque de Rassemblement. Depuis ce moment-là, je crois que ça fait un bon bout que vous ridez le titre World Class Buffet, puis que le concept est déjà mis sur pied. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Est-ce que vous peaufignez à chaque fois de plus en plus? Pour être sincère avec toi, ça a beaucoup rapport le timing. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent des fois dans la vie qui font que le timing il tombe pas là. Il y a des affaires aussi de avoir le bon budget pour faire ci, il y a plein d'éléments que c'est dehors de la musique qui t'empêche d'aller à 150% de qu'est-ce que tu veux faire. D'abord, nous autres, on voulait donner justement le 150%, et puis on s'est dit, OK, là, c'était le bon moment, là, tout était prêt. On l'a fait master par à New York, c'est le même gars qui a master pour Sharon Jones. Ça l'a été. Vous voulez vraiment step up. Là. Exactement, on a step up dans toutes les étapes de l'enregistrement. C'est ça. C'est quand même bad parce que, bon, c'est ça, comme que B-Burn parlait plus tôt puis qu'on discute, vous incorporez beaucoup l'aspect live band, même sur disque. Donc, comme la pièce qu'on va entendre dans quelques instants, Beat and the Bass, c'est vraiment, on a l'impression que c'est pas un gars avec un MPC seulement qui a concocté un beat. Là, il y a tous les instruments, puis il y a même des solo parts, là, des instrumentalistes. Là. Donc ça, c'est, j'imagine, ça fait partie de votre recette, secret recipe, genre. Ouais, pour concocter. Je veux dire, on voulait faire ça aussi différent. On voulait laisser la musique parler par elle-même. Tu peux pas avoir juste des lyrics, tu peux pas avoir juste des beats en train de jouer, synchroniser tout le temps. Je veux dire, des fois, il faut juste laisser la musique respirer. Nice. Moi, j'ai deux petites questions, en fait. Ça fait combien de temps que vous collaborez ensemble, les gars? Ça fait depuis je pense, 97 à peu près. Plus que 10 ans. Ouais. Puis le nom Métazone, ça vient d'où? Ça signifie quoi, ou juste? Métazone, ça signifie toutes les âmes... n'importe quoi qui est vivant, tout ensemble, toute cette unité-là, mais c'est un métazone. C'est-à-dire, tout le monde est un métazone ici. C'est comme toi. C'est la réunification de toutes les âmes et esprits en une seule entité, ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment une union qu'on essaie de faire. Je veux dire, on essaie de rester vrai avec ce concept-là. C'est-à-dire, nous autres, on essaie toujours de ramener... Je sais pas si le monde s'est rendu compte, mais on essaie toujours de ramener l'anglais avec le français. Les gars de l'Ouest à NDG avec des gars de l'Est. Puis je veux dire, ça a toujours été notre direction. Ça, on essaie de faire le pont, justement, mélanger les puis deux. Des fois, c'est pour démontrer cette sorte de richesse-là que Montréal a. Puis des fois, tu vois que tu sens que le monde y reste dans leur coin. Mais vraiment, puis vous êtes un des rares groupes qui peut se permettre d'aller genre à CKUT ou dans les autres radios anglophones, puis faire le tour des radios francophones aussi, puis ouais. Vous avez des tracks dans les deux langues, c'est quand même très dope. Vous avez sorti un premier vidéo dans les dernières semaines, The Beat and the Bass. Beat and the Bass, yeah. Le concept autour de cette pièce-là, pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un concept assez deep, là. c'est vraiment, pour être bref, là, c'est vraiment un concept qui est entre la fiction et la réalité. Il y a un chaman dedans. Puis Metazone fait une sorte de rituel ou une sorte de purification à ceux qui sont dans un monde qui est un petit peu endoctriné par le système. C'est pour ça que tu vois que c'est en noir et blanc et le chaman commence, il est en couleur. Donc c'est quand même assez symbolique le vidéoclip. Je me suis amusé parce que justement moi j'ai pendant le temps que j'étais en train de travailler sur l'album et tout, j'allais à l'université en télévision, donc ça m'a fait exercer toutes mes connaissances. C'est toi qui as fait la vidéo? Ouais, c'est okay. Très réalisé, ouais. Good job, man. C'est un beau vidéo. Donc c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est essayer de changer la formule, ou est-ce que c'est pas juste du monde en train de rhymer devant c'est vraiment conceptuel, c'est comme un mini-film, là, ce qu'on a. Ouais. Mais le résultat, il est vraiment convaincant. Moi, je trouve que c'est très professionnel. Puis, big up à Cotola qui est capable de faire des fucking films. Beatmaker, rapper, c'est comme... C'est ça, tu sais, je veux dire, sinon, ça l'aurait fait longtemps que ça l'aurait sorti. Mm-hmm. Il y a plein d'affaires. Mais tu sais, des fois, le vin, tu sais, ça prend... C'est du bon vin, là, ça prend plus de temps à sortir, donc c'est ça. Ça prend combien de temps de production, cet album-là? Je pense que 3 ans, je pense. Ouais, au moins 3 ans. Ouais, mais la phase, c'est que c'était vraiment plus le mixage. Parce que le mixage, mixer du live, là, t'es pas en train de mixer des samples qui sonnent tout le temps pareil, du début jusqu'à la fin. Non, c'est soit ça. Comme là, un snare qui... Tu sais, je veux dire, le snare, ouais, là, il va pas sonner pareil du début jusqu'à la fin. Toutes ces petites subtilités là, c'est moins mécanique qu'un beat fait par ordinateur ou whatever, tu sais, t'as le feeling, tu peux avoir des live là-dedans. Ouais, mais il y a une sorte de difficulté là-dedans que t'as pas le choix de rester plus longtemps en train de mixer. Là, mais en gros, je pense que cet album-là, ça vient conclure ou bien nous montrer comme une certaine maturité dans notre cheminement musical. Puis je pense que ça a été un bon exercice pour nous de le processus de l'album. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, mais comme le résultat, on est quand même assez satisfait, on est fier du produit. Ouais. Et on espère que toute la population du Québec va support. Et vous allez juger par vous-même. Ben c'est ça. Dans l'extrait musical. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. On pourrait peut-être écouter justement le premier extrait. Définitivement, je pense que les auditeurs se doivent de l'écouter. On l'a déjà passé il y a quelques semaines. Puis check it out aussi le vidéo, comme qu'on dit, il est très fresh. Puis on revient juste après avec la suite. Toujours avec Metazone, Nagueto, Érudit et Ina. You. Feeling we're living it. We're hip hop, the world hot, we're bringing it. Non-toxic, good for your immune tuned system, tuning in your booming system. The movement, move masses, cause the lash on a groove with boom bastic from the past. You do little things from this world class, buffet, feed your soul at last. Let's move the crowd from left to right, get with the groove, it's only right, thick, bright with the power of the light. Feel free and you will be alright. Come on, y'all, if you feel it alive, the phoenix soon will arise. Go for the trouble, go for the bass. Go for the trouble, take you through your face. Vous êtes toujours au show le plus mong en ville, Ghetto Érudit. On vient d'entendre un track complètement mong. Sérieux. Beat in the bass. Mongolido. Mongolido. Metazone, toujours dans la place yes, à être. Yes, yes. Donc, voilà, on vient d'entendre votre premier vidéoclip. Je voulais vous poser une question, puisque bon, vous êtes un des rares groupes à être aussi fluide en français et en anglais, puis bon, polyglotte. Même en espagnol et en créole. Donc vous autres, j'imagine qu'éventuellement, vous avez sûrement des projets, soit mettons un autre album tout en espagnol, un autre album tout en créole, vous êtes comme un spider. Là, non, définitivement. On a plein de tentacules. Mais tu sais, je veux dire, on vient de Montréal. C'est la réalité. Autant on peut parler créole, espagnol, français, anglais. C'est vraiment par comment qu'on a été brought up. Je veux dire, moi j'ai autant eu d'amis du West, en anglais, whatever, puis du monde de l'Est. Donc, ça l'a toujours été comme quelque chose de naturel. C'est ça, man. Je veux dire, oui, on a des moi, j'ai un projet, je pense, à la fin, que je vais faire sûrement en espagnol. C'est sûr qu'on a, j'ai le projet avec Obia. On a plusieurs affaires. J'ai aussi un album qui ça va être chaud, c'est avec Abby. Ça va être du R&B francophone. Chose que je pense qui manque dans la scène ici au Pop au Québec. Ouais. Définitivement, sur ça va sortir aussi. Donc non, c'est ça. Moi, j'ai pas de limite. Il y a pas de barrière. Je veux dire, si je veux faire un album en chinois avec Casey, là, c'est comment qu'on le feel. Si je veux faire un album en créole ou bien le mélanger avec le français, it might be a project, tu comprends? Mais c'est comme, c'est sur le vif, c'est comment je le fais. Sinon, au Québec, bon, on sait que c'est surtout les projets francophones et pop qui ont un gros push. Est-ce que vous voyez ça comme un obstacle supplémentaire pour World Class Buffet? C'est sûr. Moi, je le vois tout le temps. Mais on s'est dit que notre marché pour celle-là, ça va être un autre marché, puis on l'assume. Mm-hmm. Tu comprends? Moi, je le sais que quand nous autres, on avait sorti Rassemblement, automatiquement, j'avais eu beaucoup plus. Les chansons ont joué beaucoup plus à la radio. Il y avait des critiques sur Bande à part. On avait eu beaucoup plus. Alors, moi, je l'assume, je le sais, mais en même temps. C'est une décision qu'on a prise, puis on vit avec. Exactement. Mais en même temps, je me dis, ça va me donner d'autres opportunités. Ça n'enlève pas le fait que j'ai plein de tracks. Quand tu viens dans les shows, tu peux écouter des tracks en français, et ainsi de suite. Quand vous dites que vous n'avez aucune limite et tout, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez sorti une série de capsules, les capsules Live Series, où vous reprenez des classiques, vous faites des covers finalement, ce qui n'est pas commun dans le hip-hop. C'est quoi les projets avec ces séries-là? D'ailleurs, c'est très dope. Dans le fond, comme les live series, c'est sûr, il y a comme les premiers qu'on a sortis, on a fait des covers et tout. Mais on essaie d'explorer justement comme l'univers musical. Il y en a d'autres, ça va être des freestyles. Donc, c'est pas juste dans la formule des covers qu'on fait les live series. Non, ça amuse. Moi personnellement, je veux dire, dès que l'autre, il part une mélodie avec, je sais pas, mon B.I.G., Juicy, mais oublie ça, tu sais, ça me fait tellement rappeler des bons souvenirs que j'ai pas le choix de bien faire ce track-là, bien represent pour. On rend hommage, c'est ça, on rend hommage, puis je pense qu'au Québec, ça l'a pas vraiment été fait. Donc, c'est ça. Jusqu'à date, on a pu voir Nas, vous avez fait un sur Wu-Tang. Quels sont les autres, déjà? Pour l'instant, on a sorti celui-là. On a sorti aussi Nautilus Instrumental. C'est une chanson de Bob James. Ça s'appelle Nautilus. C'est un track vraiment classique dans le fusion jazz. Que ça a été samplé dans le hip-hop. Dans l'album de Ghostface. Je pense que c'est un des samples. Ça a été un des samples les plus spread out dans le hip-hop. Donc, non, c'est ça. En même temps, c'est comme si on prend ça pour comme une sorte de. C'est la récréation. School, là, exactement. Comme une sorte de church. On essaie de spread là, la bonne. Ah, mais la ça bonne s'écoute vibe, bien. Là, ouais. Ça s'écoute bien. Puis pour revenir à l'album qui sort, là, quels sont les thèmes abordés là-dedans? Vous avez quand même un rap conscient. Là, les thèmes abordés au travers de l'album, de quoi vous nous parlez sur cet album? C'est sûr que. On a toujours eu nos roots dans on veut améliorer la communauté, c'est-à-dire c'est sûr qu'on va parler des choses qui sont plus engagées, qui touchent le monde dans toutes sortes de situations, que ça soit dans les pays du troisième monde, que ça soit des inspirations aussi, juste de reminisce, de back in the day, la vie de tous les jours. Ça va vraiment de un petit peu de toutes les c'est sens. Wide range, c'est wide range, on a une chanson qu'on parle un peu, tu sais, nos souvenirs quand on était jeune, comment on a grandi un peu. Donc, tu sais, l'aspect familial, le, you know, comment on a brought up, you know, in the streets, you know, jouer dans les ruelles, you know, écouter, je sais pas, même Goldorak chaque samedi matin, you know, c'est comme si, tu sais, il y a un track spécifiquement fait pour ça, il y en a un autre que c'est plus, on parle de situation politique, mais internationale. C'est ça, je veux dire, n'importe quoi qui nous a amené à être qui Metazone maintenant, je veux dire, on parle de ça, je veux dire, aussi. Donc c'est un rap conscient, un rap engagé. D'ailleurs, je vais vous donner des props parce que je vous vois impliqué dans différentes causes. D'ailleurs, on a travaillé ensemble avec les jeunes dernièrement, mais je vous ai vu impliqué dans toutes sortes de causes. Je vois que c'est important pour vous. Le temps nous manque un peu. J'aimerais ça que vous nous présentiez le deuxième extrait de l'album que vous voulez présenter aux auditeurs. OK, le deuxième, c'est vraiment une exclusive parce qu'il n'y a personne qui l'a écouté encore. So, c'est, moi, c'est la track SM ici, vous avez l'exclusivité. Ouais. Donc, c'est ça. C'est le track Against the Wall featuring P-Noize. Oh. C'est un track qui vraiment... Tout ce qui est arrivé au G20, ça a été notre inspiration. Puis c'est ça le track. Écoutez ça. Let's go! All right, man. Vous êtes prêts? Yes. M-O-N-G. Please, sir, just trying to stay alive. Can't even back it up. They got me backed up against the wall. With my boombox blasting, I didn't know where cops pulled out two blocks flashing. Trace my face with biometrics, afraid I could grenade the parade like Boy Evans. Come on, breaking linen slash John Lennon slash soft melon needs all so mentally authentic as a lost artifact. That's why my name in capital letters is all they have. Treat us like animals, stole all human fitness and shit. Surround the time, I'm on blueprints and fingerprints. Cause when you're born, they sell you phenomenally. You're my prison, so they're not thinning when time's ticking. Like a hostage chained when they try to frame us like earthquakes and climate change. But from the weakest link, I broke them up. Now I'm under investigation cause I know too much. And that's real. Talking all that jive. They got me backed up against the wall. Just trying to stay alive. They got me backed up against the wall. Can't spin back it all. They got me backed up against the wall. Just strolling while officers are holding a man on the side. In the southwest side of the metropolis. Inner city kids neglected by the populace. Huh. Who's gonna teach him right from wrong? Huh. We don't even get along. We get even for treasons for all sorts of reasons. We fall apart like leaves when it's the dead season. No, we in blind in fact. We act and fight like activists with strike. With a rebel fist, let's all stand in command. Like a million men hand in hand. Just clapping in the street pack, and the man back that was stolen land, and that's that, huh. There ain't a problem that we can't fix, cause we can do it in the mix. They got me backed up against the wall, talking all that jive. They got me backed up against the wall, just trying to stay alive. They got me backed up against the wall, can't spin back it all. They got me backed up against the wall. Qui ont lieu à Montréal? Une seule référence, Camus. Le seul magazine gratuit dédié uniquement à la musique. Pour découvrir toujours plus de concerts, va sur camus.ca ou profite de la version mobile m.camus.ca. Avec Camus, c'est dans la poche. Magazine disponible dans les présentoirs Pop Media. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. Chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevues et de découvertes musicales. Jeudi le 20 janvier, la session live reçoit Meta Gruo. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89.3 FM, La Marge. La session live à CISM, une présentation de Solothèque. Go Hawks Go! Go Hawks Go! C'est officiel, la saison est commencée. Et où est-ce qu'on regarde les matchs de hockey sur écran géant? Bien oui, c'est au Saint-Hubert, Côte-des-Neiges, que ça se passe. Rendez-vous les soirs de match au Saint-Tube pour ne pas manquer nos meilleures soirées hockey Go Hubs Go. Profitez de nos spéciaux sur la Bud Light, le panier de 12 rondelles de poulet à moitié prix, le panier de 12 ailes à 5,95 ou encore pour découvrir nos nouveaux nachos. Alors que vous soyez entre amis ou entre collègues, le Resto Bar Saint-Tube Côte-des-Neiges, c'est l'endroit idéal pour regarder les matchs de nos glorieux. Go Hubs Go! Faufilons-nous dans les studios de création de l'ESCO. Silence dans le studio, bande de minables! Ça roule! Plus détendu! Dans 3, 2, 1... Mais vite au texte, nom de Dieu! J'en ai marre, ça y est! Lorsque vous serez prêts, venez me chercher sur la terrasse de l'ESCO! 4467A, c'est de... Salut, ici Dan Placard, vous écoutez CISM 89.3. Et de retour avec Lunatic, son nouvel album numéro 1 en France. L'album comprend les hits Ma couleur et Jour de paye, avec la participation spéciale de Ryan Leslie, Diddy, T-Pain et Akon. Lunatic de Booba est en vente partout, en ligne et en magasin, dès maintenant. Oméga, Oméga, Beta Alpha, je suis trop haut pour les classes, Renoir, tu crois que je vais Beta Alpha? Le mois de janvier vous assaille. Du 13 au 29 janvier, venez vous dégourdir sur des rythmes électrisants. Pour sa 5e édition, Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique. Ne manquez pas Carl Craig, Eskimo, Kid Sister, Andrew Weatherall, Joe Moll, Subtrack et plusieurs autres. Aussi, un tout nouveau village d'Igloo et de nombreuses surprises vous attendent. C'est un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Direct de CISM 89.3 FM, la radio qu'on aime. Checkez ça en direct. Ghetto érudit, c'est le show, mon chum, là. Mais le show des Mongols, des Gogols, ça king. Je parle pas des motards, les Mongols. Je parle des Mongols, des Mog, Mog, Mog, Gogol, Gogol. On présente ça, Metazan Production, Saint-Athanase, mon petit Vlimi aussi, Veracoche. C'est à m'entendre ça, là! une petite perfo, les gars? Yes, sir. Let's do this. All right, on fait ça bien comme à chaque fois, man. Yo. Step in the place, supreme. Microphone checking on the scene. Yeah, you know how the sun's extreme. Deep like yellow submarines. You know what I mean? Froze your spleen with the whole team. Don't pretend it pounds like a pulsing swing from ocean winds to float. Get it? And you stand at your seat. Clap your hands, tap your feet. Energize, check it out. In, test when I in to the spot. More unexpected when a hiccup. Clap, check the style when it comes with fuck. I got my man beyond the right next to my side. Yeah, world class buffet right next to Rod. Yeah, yo, Ben de Un, Jean-Vier, check the style. Yo, go get it, album launch, yeah. Can't mess with it, and toss chest to the left, to the with it. Check the style limit, just trespass the shit. Non-stop, we just elastic with that drop the shit. Bombastic, brick, ha, yeah. Come on, kick the next one, what? Free flow. Nice chick, yo, it's not go. Yeah, hey yo, beyond the on the mic. Microphone. We're going to set it off one time for your wisdom, my chicken. Hey yo, yeah. Hey yo. Point blank, hollow point, aiming at your Nemo. In the fish tank, man, I'll be that Neo that beats down the Matrix. Here's the next sequel, the Dr. Mind Bender. Microphone sorcerer, devour any MCs like a conquistador. Come down and kiss the floor, then transform like a transformer. Come through with the microphone, that manslaughter. microphone check, 1, 2. Beyond the on microphones, this is how we do on the microphone. 1, 2, 5, 14, represent with the laser beams. Come on. See ya, Seb. Yes. Yeah. Les gars, votre lancement, c'est vendredi le 21 janvier. Vendredi 21 janvier. Au Patrovis. Au Patrovis. Yeah, de 6 à 9. Juste à côté du métro Mont-Royal. Et là, on se fait 6 à 9. C'est pas trop tard. Puis il va y avoir de la bonne bouffe gratuite. C'est gratuit en plus. C'est tapas, pour tout le monde. Le live band, des invités surprises, DJ. Ça va être un bon événement. Fait que venez. C'est ça, il va y avoir OBL le chef. Il va y avoir Aspect Mendoza. Yes. Il va avoir Sarah Lynn Harry. Il va avoir Abby. Ken Lowe. Sick. Il va avoir des artistes surprises. Alors, on va pas dire tout de suite qui va être là, mais ça va être crazy. Yeah. Crazy. You know, sick. Parce que, thanks encore pour votre visite, les gars. Puis, j'encourage tout le monde à se procurer l'album et à se déplacer pour le lancement. Shout out à mon boy right here qui est avec moi ici, KC. Yeah. KC LMNOP. Écoutez qu'est-ce qu'il y a à dire, parce que for real, il faut sans doute donner props à qu'est-ce qui a été avant nous autres. Yep. Puis nous autres, notre concept, ça a toujours été de faire ça. Donner qu'est-ce qu'ils nous ont donné, qu'est-ce qui a été fait sur leurs épaules, ben nous autres, on build avec ça. So, we give props to my man KC. Yo, shout out à mon boy ici, OBL le chef. Yeah. On va drop le most craziest, l'album le plus next level qui a jamais été fait ici au Québec, à part celle de Dramatique. That's my word. Shit. Alright, fait qu'on passe à une petite interlude musicale juste avant de revenir avec KC. Donc, un tracks tiré de la vieille compile Montréalité avec le connaisseur. Et ensuite, un petit tracks du K6 sur lequel on retrouve Urban Logic et Monkey. Et ensuite, on revient avec KC LMNOP. Ça va devenir extrêmement vrai. Dans cette pièce, shout out au connaisseur. You know what it is. Yo, monte un peu le son dans les écouteurs. Yo, connaisseur du caso, Moralité 99, yeah, check, yo. Vision d'un art en pleine croissance, hip hop en ascension. Je te parle pas de la France, je te parle de Montréal, va falloir faire attention. Sorti au 99, où y'a des boosts mais pas de meufs. On fait un appel au public, sous presse et 369. Tu vois 514-450, solo fond studio qu'on a développé. Scénario en desséchiné des brosses comme Mario. Réalité qui vient directement de ton quartier, bien dans le nord-est. Y déplacer son papier, rien de compliqué. Association rappeur plus douceux, album produit pour ceux qui ont cliqué. Dès que la base s'est infiltrée dans leur système nerveux, la qualité on est soucieux. Ressort du vent, toi rempli tâche d'encre, pleine flash d'image qui rentre, parole qui sera touchante, track méchante et touchante, rhyme rechante, quand ça sort faut que tout le monde le sente, on présente, Montréalité 99, on représente, yeah, c'est comme ça qu'on fait les affaires, you know, Montréalité le thème, phrase urbaine, One Love Records, shout out à toute l'escouade Montréalité, L-O-V-O-N, blast the shit dans ton système, you know, yeah. Yeah. Royal Peasants, c'est le K6 Peasants Royal TZ, non? Taking over this year. Red Scientist on the production. Yep. It's fucking early tour, that gets the worm, you know? L'avenir nous appartient, man. Logics. C'est à nous. Le vautour calme s'est déguisé dans la boucane de mes cités. Using both hands with the DJ, we control plans every day. Notre courage est bien ciblé et nos larmes bien aiguisées. A broke man with no land, I sold grams in the PJs. Le naufrage peut s'épiter de nomades qui me visitent. The program, it isn't easy, my whole fam is gonna need me. Suis-je coupable de mépriser le fardeau de la captivité? From juvenile to my D-Day, I'm immortal in a real way. Icône anorexique qui ont les courbes d'un code-barre. C'est Babylone qui fait la pute, pas ses filles sur le trottoir, dig it. Like a graveyard, of course I do. A brave heart, I stay sharper than a swordsman's tool. The aim is locked, we make it harder than a boiler room. I hate knocks, take shots like you swallowed brew. Ferme la lumière du tunnel et barre la porte au bout. Mais selon le karma, cet axe sera me mettre la corde au cou. Clairement, son enterrement me poursuivra. Mon tour suivra, parcours raccourcira. Pas de jour où l'amour luira. Qu'est-ce que l'écho de ces grandes tours dira? On est sourd, il vole des faux tours, n'étourdis pas. It's hypnotic. While time keeps tick-tocking, kids frolic in the park on blocks where shit's popping. We hip-hopping. Just watch us get started. From the bottom to the top of the market, still clocking. We spit solid. This is Monkey with Logic's content and the concepts brought to kick knowledge and evict nonsense from all of the homeland. Cowards stand alone. I ain't bowing to no man. Mes yeux se ferment, mon ciel se couche. Pas visualiser pour matérialiser ce que tu toucheras. Au détriment de mon sommeil, je me scénarise d'Haïti pour oublier l'angoisse de tête de mes chauffeurs de taxi. Mon corps est lourd, mais mes paupières légères. Pour m'endormir, qu'est-ce qu'il faut faire, je cherche. Pour me mettre dans un autre vibe, je me lève et je me fais une dose et un gros verre de lait. Je vois que demain à 7 et je vais être trop amorphe. Hey, où la switch pour mettre mon cerveau à off. Yo, je fais pas mes nuits un peu comme un jeune poupon. J'ai compté 11 431. Un mouton. L'insomnie génère du stress, puis tu peux le dire à l'inverse. Plein d'épisodes de tout genre énumérés à l'index. Souvenirs presque réels qui font que demain sur le réveil je fesse. Ça continue, je prends un abonnement avec Reader's Digest. Je suis pas capable de sleep, Chris, je deviens fou. Je fume un ch et puis je calise fou. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je colle des clous? J'ai toujours les deux yeux dans le même trou. Mais faut aller voir que je tiendrai plus de bout. Après ça, tu te demandes pourquoi je suis smooth. Me couche à 3 plein de 7 appuie sur snooze. J'ai juste de m'endormir, que j'ai pas le tour. Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq moutons, six moutons, sept moutons, huit moutons, neuf moutons, dix moutons, onze moutons, douze moutons, vingt moutons. Hey, hey, Jam et Smiley, c'est fini le comptage de moutons. On est back sur les ondes de CISM. On a un invité de marque dans la place à être. Comme je disais en intro d'émission, si on avait à écrire un livre sur l'histoire du hip-hop québécois, ben le gars avant de moi, il y aurait plusieurs chapitres qui parleraient de lui dès le départ. On a Casey LMNOP dans la place. Comment ça va, man? Casey LMNOP, wow, ça va bien, man. Je suis de retour à CISM. J'étais ici 89-90 dans le temps que j'étais aux études. Ouais. Les premiers shows de hip-hop ici. Puis, dans pleine tempête de neige, quand tout le monde a faim, il n'y a rien qui se passe, les gars viennent me chercher, ils me disent, attends-tu de venir à CISM? Je dis, boum, chaque attaque, je m'en viens à CISM. Ça représente avec les scènes, parce qu'on n'a pas de budget. Il y a toujours les mêmes machines que j'avais en 90, dis. Yeah, man. Vintage. Ça a changé de place. Avant, c'était en bas. De l'autre côté. De l'autre côté, puis là, ils ont monté ça en haut. C'est beau, pareil, les nouveaux studios. Ça a quand même évolué beaucoup depuis le temps, puis il y a eu beaucoup d'artisans québécois. Qui ont justement eu un show. Tu dis, toi, t'as eu ton show. Ghislain Poirier a eu son show. A-Track, Chromeo a eu des shows. Puis maintenant, c'est vraiment un privilège pour nous d'avoir on pourrait quasiment dire le parrain du hip-hop québécois. On a le parrain avec nous, man. Comment s'appelait l'émission? Comment s'appelait ton émission? Ben, c'était pas nécessairement une émission. Si on veut vraiment les détails pour les nerds, eh bien, pour les intellectuels, j'étais le gars qui amenait les disques à la station, okay. Puis le gars qui animait sur l'émission de tout le monde. Mais au début, les premières émissions d'hip-hop n'avaient pas de nom. Okay. C'était juste de la musique de hip-hop qu'on jouait. Et puis, on n'avait pas d'autorisation comme telle. Le hip-hop, c'était pas bienvenu à l'époque. C'était plus déguisé sur une émission de R&B. Mais okay. les filles, vous voulez dire, pas le choix, les filles. Au moins, à cette époque-là, c'était du bon hip-hop qu'il y avait. Alors, c'était Africa. Africa Bambaataa, Zulu Nation, KCMP, UTFO, Roxanne Shanté, Kango Kid, du real original old school, you know, c'était la fondation du hip-hop, c'était Kool Herc, c'était DJ Bambaataa, Melly Mel, Chubb Rock, Eric Sermon, Public Enemy, c'était le old school, you know, c'est les true original Dan Gagan World Warrior. Donc si je comprends bien, t'as commencé un peu à la radio avant de débarquer à Musique Plus, qu'on a rebaptisé Musique Moins. Là, depuis ton départ, depuis qu'il n'y a plus de musique là-bas, c'est ben, ça? Moi, je dis que depuis que Moises Slimer, l'intellectuel au droit intellectuel, comme on t'a CISM avec du monde intellectuel, la personne qui a lu, l'intellectuel, c'est Moises Slimer. Question P, c'était un instrument pour son élément du hip-hop. Mais depuis que Moises Slimer puis Musique Plus est parti de Musique Plus, c'est sûr que ça s'appelle Musique Moins. Écoute, et tout ce qu'ils font, c'est du plagiat. Tu perds, tu sors du CISM si tu fais du plagiat, là. Il copie les émissions américaines, mais il copie... Clairement. Non seulement il prend l'émission, il traduit des conneries. Il n'y a aucun droit intellectuel dans aucune émission Musique Plus, à part des petites filles de 17-18 ans qui travaillent là-bas pour un vieux, je sais pas, là, mais à part un pédo qui veut des filles de 17-18 ans qui travaillent partout. Là. Il n'y a pas de droit intellectuel. Sont où les Joanne Ménard? Sont où les Simard? Sont où les Jacques? Sont où les Pierre? Sont où les Serge? Sont où les gens qui arrivaient avec des émissions comme Rocambolesque? des émissions où il y avait du contenu québécois pour des Québécois. Je m'en fous, moi, que Tina Tequila à se prenne 50 zozo dans une soirée. Là. Depuis que ça me ramène pas de cop, je m'en fous, là. T'es débarqué là-bas en quelle année, Casey, à Musique Plus? T'es le premier animateur officiel de hip-hop qui est débarqué dans la station. J'animais une émission de hip-hop en France, puis ils m'ont approché. Je suis venu faire l'émission Rapsité en le casting juillet 92, puis l'émission a commencé en juillet 92. Ça a duré combien de temps, cette émission? Ça a duré un an, c'était un contrat d'un an. Okay. Mais à la fin, là, il appelait, puis là, il demandait aux jeunes s'ils étaient noirs, s'ils étaient blancs. Là, les jeunes noirs ou blancs, ils se plaignaient. Mais pourquoi tu veux 80% de blancs en émission? Tu veux pas représenter la communauté, puis tout. Puis là, j'avais un contrat pour aller animer en Russie, puis en Allemagne, fait que j'ai fait comme... Puis Pierre Marchand, il a coupé le contrat. Écoute, lui, il voulait que juste j'invite des blancs. Il voulait que, regarde, moi, je suis autochtone québécois. Fait que moi, les couleurs, là, depuis que tu tournes sa tête, mon chum, t'as la même couleur que moi, t'as la couleur Zulu Nation. Ouais. Fait que moi, le racisme, puis le profil, puis rentrer dans les affaires. Puis Musique Plus, c'était pour les vieux de 71 ans qui sont débranchés, gros. Ils comprennent même plus rien. Il y a un bas de son pour eux autres, là. Qui écoute Musique Plus? Tu payes sur YouTube, tu trouves que si tu veux, tu vas sur Musique Plus. Faut que t'attendes qu'à un moment donné, quelque part, quelqu'un va jouer quelque chose. Que t'aimes, tu sais, ça marche pas. Mais malgré tout, avec ton émission Rapsité, quels ont été tes meilleurs moments là-bas? J'imagine qu'il y en a eu malgré tout. En un an, t'as sûrement pu apprécier des rencontres ou... Chaque fraction de seconde. Rapsité, c'était l'émission que... Écoute, c'était la suite de Pop Denis, Rock Express, Palladium Berry de Montigny, 1983. Paf! La prochaine fois que la télé va ouvrir ses jambes au hip-hop, ça a été à Rapsité. Puis l'idée venait de France, parce que j'animais déjà en France. Mm-hmm. Puis elle est venue ici, puis c'était fantastique. Mais l'idée, c'était de continuer le hip-hop. Mais le hip-hop, il y avait un problème. C'était, parle pas des Noirs, parle pas de la police, parle pas de la corruption, mais... C'est quand même intense, là. Mais aujourd'hui, on le voit avec les policiers qui arrêtent les corrompus. Tu peux plus dire policier ou corrompu. Faut que tu dises policier ou corrompu. Parce que Mario Lambert du SPVM, le policier que ça clique, qui me garde en dedans depuis 14 ans, puis les paroles de mes chansons, ben, il s'est fait arrêter, il fait face à 10 ans de prison. Fait que comment t'appelles le policier qui a arrêté Mario Lambert du SPVM corrompu? Si un est un corrompu, l'autre c'est un policier. Fait que on dirait que les temps changent. Sinon, moi, je voudrais qu'on parle rapidement parce que, bon, dans nos auditeurs, il y en a des plus jeunes qui ne savent peut-être même pas qui est Casey LMNOP. C'est impossible! Google.com, c'est un tannon. Mais peut-être leur expliquer rapidement ton parcours dans le game. Genre, comment que ça a commencé pour toi, le hip-hop au Québec? Je sais que... Bon, ça a commencé en 1983 avec UTFO, Kango Kid, Rock Saint-Chanté, quand ils se sont mis à New York. Qui ont commencé à faire les premiers shows qui ont exporté au Canada. Ça a commencé en 1981. 1981, 82, 83, concours de breakdance, graffiti, avec les premiers crews, Palladium Berry de Montigny, Palladium Bonneuil, Palladium de Brossard. 1983, l'émission Rock Express, Pop Denis. Après ça, 83, 84, 85, 86, qui est selon P-Media. 87, 88, 89, 90, qui est selon P-Media. 91, 92, 93, 94, 95, qui est selon P-Media. Sorti 6 albums, 4 pendant ces années-là, puis après ça, il y a d'autres mondes qui sont venus. Il y avait dans ce temps-là les Real Originals, il y avait à Montréal, Pantalis, il y avait les Original B-Boy, DJ Choice, JT, Jean Tarzi, il y avait les Original B-Boy qui faisaient du breakdance, il y avait des gars comme Pantalis, des gars comme Mob Dick, des gars comme Stéphane Montreuil, des gars qui étaient là avant qu'on ait le mot pour dire qu'est-ce qu'on fait. Avant de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est du hip-hop. Mm. Avant qu'on dise qu'est-ce qu'on fait, c'est un windmill. Avant qu'on dise qu'est-ce qu'on fait, c'est des up-rock. Qu'est-ce qu'on fait, c'est un flow-rock. Mais il y avait des gars qui étaient là avant qu'ils le faisaient. Puis ça, c'était 1980, 1981, 1982. C'était South Shore, MT Pot Crash. C'était simple, il y avait un crew dans ce temps-là. Le reste, ils jouaient au tennis ou ils jouaient au golf. Ouh, il fait. En tout cas, quand on faisait le moonwalk, il venait fou. Man. T'as au-dessus de 25 ans de carrière. T'es là depuis le jour 1 là, du hip-hop québécois, 32 si on veut. 32 ans de carrière. Oh, j'ai commencé dans le hip-hop en 1978, 79, 80 avec mes cousins à New York. Ouais. Ça a commencé par le breakdance. Après ça, DJ, beatbox, MC, puis graffiti. Puis même si ça fait 14 ans de prison que je fais pour les paroles de mes chansons, ben, je pète encore dans les 5 styles. T'as fait tu t'es promené en France, aux États-Unis. Tes rencontres les plus marquantes là, au travers des années, ça a été quoi? Là? Les gens qui t'ont aidé, les rencontres marquantes, ouais, c'est ça. Ma petite fille, Nikki K. C'est ma meilleure MC. C'était ce qui m'a marqué le plus dans ma vie. Sinon, ben, tous ceux qui ont jamais pris une seconde pour parler de leur pénis puis leur couille, tous ceux qui ont toujours parlé du real, qui ont parlé au monde, qui ont pas accès à la radio, qui ont pas accès à la télé, tous ceux qui ont pris chaque seconde pour parler du real shit, c'est eux autres pour les héros. C'est les gars qui ont boss, mais quand ils ont boss, au lieu de parler d'eux autres, ils ont parlé de ce qui se passe puis ils ont donné le real, c'est eux autres mes héros. C'est tous ceux qui ont spit le real. Zulu Nation, Bronx, New York, exemple. Puis sinon, bon, on est rendu en 2011. Là. Aujourd'hui, là, l'évolution de la game, si on parle au Québec, là, qu'est-ce que tu penses de l'évolution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des groupes locaux que tu feels? Est-ce que tu écoutes du rap d'ici? Ton opinion là, par rapport à l'évolution de la scène en général ici? Là? Je veux dire, ben honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de props pour ceux qui ont bâti des studios puis qui se sont entourés de musiciens qui jouent des instruments et pas qui instrumentisent comme des affairistes, des opportunistes qui s'imposent les autres. Ouais. Fait que t'as des coups comme Metazone qui sortent un album, qui sont nés ici aujourd'hui, puis j'y supporte parce que c'est comme au tennis. Tu sais, je te fais un smash, tu me ramènes la balle, je ramène la balle. Si on n'a pas un échange, en quelque part, je vois pas tes fesses. Fait qu'il faut qu'il y ait un échange. Fait que Metazone, il représente le hip-hop. Obia, le chef, représente le hip-hop. Fait qu'on représente le hip-hop comme Road Warrior. On représente le hip-hop, fait qu'on est là. Il y a Shoddy. Shoddy, ouais. Shoddy qui vient de Québec. Puis Shoddy, ben, oublie le projet. Là. Shoddy, si tu le pars, Shoddy, il arrête pas. Là. Si tu le branches, Shoddy, tu dis freestyle, oublie le projet. Il là. Était ici dernièrement, on l'a reçu à l'émission. Puis as-tu fait une bonne émission? Oh, ouais, fait une bonne entrevue, belle prestation live. Bonne prestation. D'ailleurs, on a vu la petite entrevue que tu lui as accordée dernièrement. Lui, il y a la sauce à pizza. C'est quoi le recette? C'est quoi la recette de la sauce à pizza? Je pense qu'il double les garnitures. Je crois que c'est ça le secret de la pizza des maniaques. Mais il n'y en a pas à Montréal encore. Pour ceux qui ont fret en ce moment, là, ben pensez-y une seconde. En tout cas, je vais vous dire honnêtement, là, si je serais vous, là, je penserais au King du Roti. Parce que la bonne bouffe, je ne sais pas c'est quoi sa sauce au pizza à lui, là, mais le King du Roti, là, c'est pour ceux qui ont 20$ et qui ont envie d'aller dans les Caraïbes, là, faites de 368-4808 Boomtown, 20$, vous allez manger comme si vous étiez dans les Caraïbes. La pizza D-Maniac TV, je sais pas. Ouais, j'ai jamais mangé, mais elle a l'air sanglante. Elle a l'air malade. Sinon, pour revenir à la musique, est-ce qu'on peut s'attendre à un projet de toi dans le futur? Est-ce que tu vas faire un retour sur le mic? Il me semble, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Hein. Le 11 février, je fais face à 8 ans de prison, puis le 15 mars aussi dans des procès que je t'accusais, puis 7 octobre 2004, je t'accusais d'avoir importé 6,250 milliards de dollars de drogue, avoir tué Gaétan, le délateur de l'opération Cléopâtre, possession d'armes de 9 mm, trafic de 375 millions. Mais j'attends la preuve depuis 7 ans dans mon procès, puis l'honorable juge Louise Villemur, il en a dit que la police du SPVM pouvait plus servir de ma musique dans mes procès. Parce que moi, ça fait 14 ans que je fais de la prison, parce qu'il y a un ministre qui a appelé puis qui a dit, mais là, en prison, j'ai entendu son album, ça marche pas. 25 février 1998, Simard contre la Reine, arrêt 25 février 1998, juge, honorable juge, on est obligé de dire honorable, là, même si j'ai vu un peu de Johnny Walker, honorable juge Yves Morier, il a retrouvé Casey Hompi coupable d'agression sexuelle après avoir écouté son album de musique. La chanson, c'est la chasse au trésor, mon trésor. Fait que j'ai dit au juge, mais Casey en prison, le Simard, ben, oh, mais il voulait rien savoir. Fait que ça fait 14 ans que je fais de la prison pour mes textes, puis là, je fais le tour des émissions de radio, parce que c'est vrai. Puis celui qui est pas content, ben, qui lise les papiers de cour, fais ton chiffre, fais ce petit drap. Mais dans le fond, c'est ça le problème, là, c'est que tu peux presque pas sortir d'autres matériels parce que ça peut être incriminant pour toi. Fait que c'est, ah, oublie c'est le projet, mon chum, ça va être king incriminant. Le prochain album, là, ça va être, il y a 200 tonnes à table dessus. Mais écoute, le temps file, fait que je pense que... Mais c'est ça, justement, on va faire plaisir à nos auditeurs, on va leur donner une dose de Casey à la MNOP. Pourquoi tu mets pas un beatbox, pourquoi tu mets pas un beat et on fait pas un freestyle? Voilà, t'aimes ça? Il y a plein d'MCs dans la place à être chez vous. Tous ceux qui sont tannés d'écouter des émissions de radio où ce que ça fait juste talk shit, ceux qui sont tannés des émissions de radio qui font juste parler, ben CISM 89.3 FM, la radio qu'on aime, c'est juste la musique. Fait que this one is for World Warrior, freestyle session, taking over radio station because a big man does big things. So shell shot, open up the microphone, then he keep going up, now stop. I got a crazy microphone on. 1983, I keep going on in the rock with microphone. Microphone rests. between some microseas. Then they go with a man, went overseas. Never mind, I'm all catch those keys and I ship them overseas straight from Trinity's. MC won't play game, I play nine. Wanna spit when I'm in, when I spit mine. And every time I go and I come and I freestyle, you always rewind. Trying to see wild, it's the kid that's wild style, original b-boy, punk style. Boom, booyaka, shot style. Freestyle, I control some. And MCs wanna test me, they end up numb. I bring the oxtail, king style of chinny. Niggas wanna play me, yeah, up in Trini. Up in the basement, never made a sip then. Always kicked in my bass to the basement. Niggas wanna go to La Salle, Texas to sign, but the waist was style. If you wanna oxtail or an open jerk, if you wanna jerk check in the oxtail, yo. Red Skull and the king of the Rooty wanted to play me. And never mind a piece like Ice-T. I never seen you seeing an MC. You wanna give props to Ice-T, he's a cop in every movie. Niggas wanna play game, but they lame. They can never cook their shit like I cook mine, yo. I whip my freestyle, I don't cook it. And every time they wanna bring, I'm a cook in the kitchen. And I send that ass to be the Evan. Click me in the stools, twos me in the Evan. If it spits so fast, just because he can. Never mind that microphone, I keep going up, man. Let me raise the microphone up in the big up. Big up my man, boom time, then shut up. Give him my name and they call me Shelto. Niggas wanna play me, I knock on piano. Beat can't go, I never stop. Microphone kick up, I never drop. Ha ah, then did not know me. When I bring the microphone, then I kiss my homies. Yep, yeah, more my love for the thugs. Never mind for the bitch, 99 problem, no love. Niggas wanna play me, roast mistakes. I remain on CSM, crazy, crazy. OBI, OBI the chef, boom down. OBI the chef, oh down. OBI the chef, boom down. OBI the chef. KC. On se coule encore, ok. Bra! Attends, ouais. Ah ouais, OBI rentre là-dedans. KC, Element, no beat. Y'a un négro qui sait que c'est OBI. Waste no beat, yo je l'ai dit. Sur, je fais ça pour mes homies. Sur CI, SM, les gars ils sont quétaines. Comme je l'ai dit back in the days, mais on est fresh when. Je veux dire, les gars ils sont des fake M&M. Moi je fais ça et puis je suis un phénomène. En tout cas, 89. Et puis je fais ça avec pack plein de meufs. Plein de meufs dans le spot comme on rock. Et puis c'est comme ça pour le vrai hip hop. OBI sur mes tests quand je fais. 1, 2, 3 quand je fais le sprint. C'est que lyricalement, négro, j'suis un pimp. Alors je sais pas, c'est quoi que tu fucking think. Qu'est-ce que tu penses, négro, j'pense que tu rances. Fuck that, négro, j'ai la substance. Que je fais ça et puis j'aime trop. Et des flûtes blanches, tu dis des flûtes blanches. C'est comme ça, flûte traversière. Tu crois que